Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus obscure sur l'antenne du 94 MHz le lundi en direct à partir de 21h30 et des poussières, ou le dimanche en rediffusion à partir de 23h, et également sur son blog à partir du site asile35.blogspot.fr. Vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission en podcast, également lire les playlists, vérifier un peu toutes les petites infos qu'on vous donne à l'antenne. L'émission est également diffusée en streaming à partir du mixcloud.com/redman. Voilà, on attaque avec un disque que je vous ai proposé il y a de ça 15 jours. Il s'agit du fantabulesque nouvel album du Wild Classical Music Ensemble qui s'intitule Taping is Clapping, coproduit entre le label Born Bad et le label belge Humpty Dumpty. Il s'agit d'une formation belge menée par des musiciens qui encadrent un collectif de musiciens qui sont handicapés mentaux. On vous a présenté leur formation il y a de ça une quinzaine de jours. Ils sont originaires de Courtrai et on écoute un nouveau titre. Alors j'ai essayé de le caler, ce 33 tours, sur un titre que j'aime bien, mais je ne suis pas certain que j'y sois réussi. Voilà, donc on attaque en tout cas avec le Wild Classical Music Ensemble et normalement le titre de Wind. Voilà ce que c'est que d'arriver un peu à la bourre. Ça va ? Thank you. Thank you. Petite séquence pour bien démarrer la semaine dans l'asile le plus sûr avec tout d'abord The Wild Classical Music Ensemble. Incroyable ce combo belge qu'on vous a déjà proposé à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de leur premier disque qui était sorti il y a de ça quelques années sur le label Sub Rosa. Ils viennent tout juste de récidiver avec le Taping Is Clapping, un 33 tours qui est sorti tout juste pour le Record Store Day en coproduction entre le label Born Bad, le label parisien plutôt estampillé Garage et Sucrerie Revival, qui a coproduit cet opus avec Humpty Dumpty Records, qui sort je crois aussi la version CD ces jours-ci. Un disque vraiment très très bon de bout en bout, très rock, on serait même presque à du ZX avec certaines parties guitare basse pour cette formation dont on vous proposera certainement un autre extrait puisque je n'ai pas réussi à caler celui que je voulais. Voilà, c'était enchaîné avec Chicaloyo, mademoiselle Alice Dourlen et son tout nouvel opus qui s'intitule Les 7 Salons, qui va sortir ce jour-ci sur le label Shelter Press, le label de Bart Tolomé Sanson. Chicaloyo, qui est une musicienne originaire de Normandie, qu'on avait pu découvrir avec pas mal de choses, notamment son duo Folle Église. Elle avait aussi sorti un truc avec Greg Aldur, et elle a aussi officié sous le nom de Voodoo Mount Sister, toujours dans le registre un peu psychédélique revival 70s. Là, on aurait presque dit Catherine Ribeiro au niveau du timbre et presque aussi Alpe à elle toute seule, même si elle est accompagnée d'un batteur assez souvent. Donc le titre Jeune fille, et Alice Dourlen alias Chicaloyo, vous pourrez la retrouver en concert ce vendredi 8 mai au Marquis de Sade à Rennes. Une soirée organisée par Consternation et dans laquelle vous pourrez aussi voir les sets de 178 degrés, qui est du drone XP un peu électronique, et de Terrine. Voilà donc Chicaloyo, Terrine et 178 degrés vendredi 8 mai au Marquis de Sade, et je crois que c'est férié ce week-end donc faut en profiter. Voilà, on va continuer avec une formation que j'ai découvert récemment, qui est originaire du nord de la France. Il s'appelle Elio Gabal. Alors rien à voir avec le Elio Gabal qu'on connaissait dans les années 90, fin des années 90, années 2000, qui pratiquait une sorte de post-rock un peu expé. Là, il s'agit d'une formation beaucoup plus free noise qui a sorti il y a de ça quelques mois. C'était en fin d'année un disque sous le label Peacock dont on vous parle assez régulièrement dans cette même émission. Cet album s'appelle Mo, M-O, c'est leur deuxième opus en date. Il s'agit d'un quintet de sax, guitare, basse, électrique, batterie, sax ténor et sax alto. Je propose de découvrir le titre qui démarre cet opus, le titre Un caillou dans ta chaussure, ce qui fait très très mal. We'll be right back. fréquence pour le moins punitive sur du 94 MHz dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec la formation plutôt enlevée Helio Gabal et le disque Mo, sorti sur l'excellent label Bicoque, donc deux saxes, d'ailleurs il y a un des deux saxes qui est une femme, basse électrique, batterie, bon, c'est rien de très très nouveau sous le soleil, cette formation originaire de Lille, mais c'est plutôt très très bien fait, on pense d'ailleurs pas mal au projet du label Quax, et d'ailleurs on a enchaîné ce Helio Gabal avec l'incroyable maxi de Julien Després et son projet Acapulco qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous passer dans l'asile le plus sûr, un disque qui était sorti en galette vinyle et aussi en CD sur le Quax Records. Julien Després, membre de quantité de formations très très importantes du rock nouveau ou jazz free ces dernières années, notamment les formations Irène, qu'on a eu l'occasion de voir à Rennes, notamment à la bascule. Également le groupe Snap, qu'on vous avait passé aussi dans l'asile le plus sûr. Et également dans Earthly Bird, qu'on vous avait passé récemment avec Sébastien Coste, Édouard Perrault et Benyat Hachari. Et Julien Després sera en concert la semaine prochaine pour une soirée à ne pas manquer. Ce sera à la Maison de la Grève du côté de la rue Le Graveran, en face du bar Le Delta, le concert de The Somme Ensemble, qui est une nouvelle formation dans laquelle on retrouve le saxophoniste Pierre-Antoine Badarou, originaire de Nantes, si je ne m'abuse, Maxime Petit à la basse électrique des Louis Minus 16 et Will Guthrie à la batterie et percussion. Donc une formation qui croise tout autant jazz avant-garde et free que rock noise et bruitiste, tout ça pour notre plus grand plaisir. Donc ce sera mercredi de la semaine prochaine, le 13 mai. Je crois que c'est aussi une veille de jour férié, donc il faut en profiter également. Il y aura une première partie surprise pour cette soirée de free rock vulcanique, comme c'est mis sur le flyer, de la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran à Rennes. Le prix est libre. Et vous avez plus d'informations sur le site maisondelagreve.boom.org. Et on va continuer avec une formation qu'on avait l'occasion de voir également à la Maison de la Grève. Il s'agit des Bataves Cactus Truck qui sont de retour avec une actualité assez importante, puisque vient de paraître une compilation qui s'appelle The New Wave of Heavy Jazz, qui est une compilation de New Thing Old School par 4 grooves bataves amis et alliés, dont on avait l'occasion d'ailleurs de vous passer la musique dans une spéciale en deux volets qu'on vous avait proposé autour de la formation hollandaise. Et on y retrouve également leurs compatriotes Albâtre, Dead de Neanderthals, qui d'ailleurs avait joué aussi à Rennes dans la soirée où s'était produite Cactus Truck, et Donné et Désiré, une compilation de titres totalement inédits, un CD à petit prix qui est commandable par exemple via le Bandcamp des Dead Neanderthals ou par le site du collectif Doek, qui va d'ailleurs faire son festival le mois prochain, début du mois de juin à Amsterdam du 2 au 7 juin, avec ils fêteront notamment les anniversaires d'Anthony Braxton qui a 70 ans cette année et Misha Mengelberg qui lui en a 80, ainsi que les concerts de Ned Woolley, Abbars, Taylor Obinum, Ingrid Lobrock et pas mal de choses à voir du côté d'Amsterdam via le collectif Dweck dont font partie les excellents Cactus Truck qui ont une actualité, comme je disais, assez chargée puisqu'ils viennent de sortir également un CDR version sérigraphiée sur le label Bicoque, comme quoi tout se recoupe dans l'asile le plus sûr. Bicoque qui qui sort pas mal de choses ces temps-ci. Il y a eu à peu près une demi-douzaine de nouveautés en rafale. Il y a d'ailleurs un coffret quintuple CD sérigraphié qui commence à s'arracher à prix d'or puisqu'il est en édition très très limitée, quelques dizaines d'exemplaires. Et donc le live de Cactus Truck sous le titre Are You Free, un live en Slovaquie qui date du 10 octobre dernier. Mais je propose d'écouter un titre extrait de ce New Wave of Heavy Jazz, les excellents et brillantissimes Cactus Truck. Du moins, si ça veut bien démarrer, c'est parti. Come on. l'instant, l'Asile de Puce sur The New Wave of Free Jazz. Tout d'abord, Cactus Truck, l'incroyable combo Batav, un peu mes chouchous, vu le nombre de fois où je vous les ai proposés depuis un an et demi, deux ans. Ils viennent de sortir à l'automne dernier un nouveau disque sur le label Note2, sous le titre Caesure Palace. Également un tout nouveau live sur le label Bicoc sous le titre Are You Free, et ce qu'on entendait était extrait d'une compilation The New Wave of Dutch Heavy Jazz, compilation sur laquelle on les retrouve aux côtés des formations Albatre, Dead Neanderthals et Donné et Désiré, des formations avec lesquelles ils se sont produits régulièrement lors de festivals et d'événements qu'ils ont co-organisé aux Pays-Bas. Cactus Truck, John Dickman au sax, Jasper Stathouders à la guitare et à la basse, et Ono Govert à la batterie. Et c'était enchaîné avec la formation Afro Garage, que je découvre avec ce deuxième disque 18 Ways to Miss Egypt. C'est sorti sur le label Léo Records en tout début d'année. Il s'agit d'un trio entre Jacques Siron, qu'on entendait à la voix et qui est principalement et majoritairement contrebassiste, Dieter Ulrich qui est à la batterie et Christophe Baumann au piano. Un disque qui mélange un peu piano préparé façon cajun et musique afro-cubaine, tout ça dans un registre improvisé. Un excellent disque de jazz contemporain avec des... ça alterne en fait entre des pièces en trio et des pièces en solo. Très très très très bien réussi ce 18 Ways to Miss Egypt par Afro Garage. Leur précédent album était sorti sur le label Unit en 1993, donc ça commence vraiment à dater. Il était plus que temps qu'ils sortent un nouvel opus. On enchaîne avec une formation de musique, on pourrait dire technoïde, mais technoïde, une fausse techno, par deux musiciens électroacoustiques suédois, Carl Michael Van Osfolt, qu'on suit depuis quelques années, principalement des disques d'enregistrement à partir de cassettes, ce genre de choses, une posture un peu post-fluxus aussi pour monsieur Van Osfolt. Il est sorti beaucoup beaucoup de choses, hein, puisqu'il est né en 1956, donc il officie depuis une bonne quarantaine d'années, et il est en compagnie pour cette formation Gomilla Park d'un musicien totalement inconnu au bataillon qui répond au nom de Martin Russell. Ils avaient précédemment sorti des choses en fichier informatique, donc une sortie numérique qui n'avait pas été produite par un label, et le label Raster Noton a corrigé cela avec un EP maxi sous le titre Uno Noxium, et c'est plutôt très très réussi. Je propose de découvrir la musique de ces deux musiciens avec le titre Ramon Lull par la formation Gomilla Park. petite triplette de disques de musique électronique dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz avec trois nouveautés. Tout d'abord, Gomilla Park. Il s'agit d'un maxi publié par le label Raster Noton à la fin du mois de mars. Le projet entre messieurs Carl Michael Van Oswolf et Martin Russell, que je ne connaissais pas, et après enquête, ce monsieur a commencé au milieu des années 80 avec apparemment des choses plutôt dans les musiques synthétiques, peut-être un peu dans la new wave aussi, qui sait, vu les pochettes. Et monsieur Van Oswolf, lui, est beaucoup plus connu dans les musiques nettement plus expérimentales, voire un peu électroniques abstraites sur certains de ses disques. En tout cas, ce Gomilla Park est vraiment très très réussi. Les trois titres qui composent ce maxi sous le titre Ununoxium, sorti chez Raster Noton, le fantastique label de musique électronique allemand. Et c'était enchaîné avec le nouvel opus de France Sauvage, qu'on avait déjà eu l'occasion de vous proposer il y a de ça quelques semaines, sous le titre Jeux vocaux des bords de drone. Donc le retour du trio Arnaud Breuil, Johan Mazet et Emmanuel Duval, avec un disque toujours aussi foutraque et un peu cauchemardesque sur les bords. Là, c'était un titre, celui qui démarre cette galette vinylique, sous le titre En sortant de mon corps avec une amie, un morceau qui faisait pas mal penser à du opéra mort, ce qui n'est pas très étonnant connaissant un peu les Lascar. Et c'est une coproduction entre moult labels, dont les excellents Gaffer Records et Animal Biscuits, ce jeu vocaux des bords de drone de France Sauvage. Et on a terminé avec un titre nettement plus reposant de monsieur Monty Atkins et son tout nouvel album sorti sur le label portugais Chronica sous le titre Earthling Streams. Monty Atkins, qui est un Britannique, un plasticien sonore, électroacousticien, qui travaille beaucoup pour la danse et qui a une formation plutôt classique de type IRCAM. Également, il est passé par les studios EMS de Stockholm en Suède, et donc par pas mal de studios de l'électroacoustique européenne, mais aussi extra-européenne. Et depuis quelques années, il sort des disques à intervalles réguliers. Il a sorti un disque d'ailleurs chez Signature, le label de Radio France. Plusieurs opus sur le label Audio Bulb d'ailleurs, où il sort un autre disque en parallèle sous le titre Borderlands. En tout cas, ce Earthling Streams, qui fait suite à d'autres disques qu'il avait sortis sur l'excellent label portugais Chronica, est vraiment très réussi de bout en bout. Un traitement de micro-son, beaucoup de sons presque acoustique, avec un traitement électronique pour ce Earthling Streams, donc de Monty Atkins. D'ailleurs, je voulais vous signaler que si vous vous intéressez aux musiques électroniques et électroacoustiques de cet acabit, une soirée ne pas manquer, ce sera le dimanche 17 au Bon Accueil, la galerie associative au bout du canal Saint-Martin, après l'auberge de jeunesse à Rennes. Une soirée co-organisée entre le Bon Accueil et l'association Interzone, qui vous proposeront deux sets. La venue de monsieur Janek Schaeffer, britannique, électroacousticien et plasticien sonore bien connu pour ses installations notamment, et pour ses performances où il mélange souvent un traitement à partir de platines détournées à différents sons retraités en direct, et pour donc des sessions électroacoustiques musique ou de cinéma pour l'oreille. Et il y aura également le Rennais Berteuf, monsieur Morgan Daguenay, qui sera de la partie avec tout un dispositif qu'il sortira pour l'occasion ce dimanche 17, donc dimanche en 8 au Bon Accueil à partir de 17h. Et on aura l'occasion d'en parler de cette soirée dans la prochaine émission en compagnie de Damien du Bon Accueil, qui ramènera différentes choses, sans doute dans les musiques électroniques contemporaines, mais pas que. Et donc on parlera pas mal certainement de Janek Schaeffer. Mais je propose, en prélude à cette soirée et à cette émission, d'écouter un extrait d'un disque récent sorti sur le label de Hambourg, Décordeur, sous le titre Unfolding Luxury Beyond the City of Dreams. J'avais eu l'occasion de vous passer cette galette à la fin de l'année 2014 dans l'Asile le plus sûr. Je vous avais proposé le titre de mémoire Coda. Et là, je propose le morceau bien nommé Skyline Ascending. Nouvelle séquence de musique électronique dans l'Asile le plus sûr sur antenne 94 MHz qui a commencé avec le Unfolding Luxury Beyond the City du plasticien sonore britannique Janek Schaeffer qui nous fera le plaisir d'une performance la semaine prochaine à Rennes. Ce sera au Bon Accueil, la galerie d'art sonore du côté du canal Saint-Martin, également Bertuf qui sera de la partie, Janek Schaeffer qui travaille beaucoup sur la mémoire, là on entendait beaucoup de retraitements, d'ambiance un peu humide comme celle qu'on a pu subir le week-end dernier, et le titre qu'on a passé juste après s'intitulait justement Memories, et c'était une vieille pièce de la fin des années 70 du compositeur électroacoustique d'origine belge André Storder, qui vient tout juste d'être redécouvert par le label Sub Rosa à l'occasion d'une compilation publiée en double vinyle et triple CD sous le titre Analog and Digital Electronic Music 1978-1980, avec d'ailleurs des pièces des années 2000 pour la version CD. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, ce qu'il a produit ces dernières années, mais principalement ce qu'il faisait à l'époque. Il travaillait notamment à partir de fréquences générées à base de synthies EMS AKS, également de Oberheim SEM One System. Monsieur Storder, qui est quelqu'un donc qui est né à Bruxelles et qui a pas mal travaillé dans différents studios, notamment il a participé au fameux studio expérimental musique de Joris Delette. Il était très inspiré d'ailleurs, il est toujours, par la musique du compositeur américain Morton Subotnick. Il a également été représentant pour les instruments Serge, le Serge système de Serge Tchérépine, et je crois qu'il est aussi enseignant par ailleurs. Donc ces pièces qu'on entendait la pièce qu'on entendait, Memories, est issue d'un unique disque qu'il a sorti en 1979 sur le label bruxellois Igloo Records sous le titre 18 Days, un disque qui n'avait toujours pas été réédité malgré différents projets qui avaient vu le jour. Et donc c'est le label Sub Rosa qui s'y est collé avec ce Analog and Digital Electronic Music pour rendre hommage aux pièces de monsieur André Storder. On va continuer avec une séquence de jazz matinée d'improvisation et aussi d'électricité avec la formation Spring Eljack qui est de retour avec un nouveau disque sur le label Trader. Ça s'intitule Live in Antwerp. Donc live à Anvers par les excellents John Coxon électrique guitare et Ashley Wells électronique et sample, qui ont une pléthore d'albums à leur actif depuis une bonne quinzaine d'années et souvent en compagnie de musiciens improvisateurs comme c'est le cas pour cette session enregistrée au festival Vim Free Music d'Anvers le 23 septembre 2007 où ils sont rejoints par le pianiste et électronicien Pat Thomas, le clarinettiste Alex Ward et l'excellent percussionniste batteur Paul Lighton. On écoute le Spring Hill Jack with Pat Thomas, Alex Ward and Paul Lighton. Thank you. Thank you. La free music britannique dans toute sa splendeur avec le combo légendaire qui a déjà pas mal de bouteilles, Spring Hill Jack en compagnie de leurs compatriotes Pat Thomas, Alex Ward et Paul Lighton. Il s'agit d'un live de 2007 qui vient tout juste d'être publié par la marque Trader, qui s'est fendue également d'un autre disque qu'on vous avait proposé entre Paul Aubert Meyer et son acolyte de Furt, Monsieur Richard Barret, également d'un autre duo entre Monsieur Wadadaleo Smith et John Tilbury, le Bishop Concert, toucha toujours avec des pochettes, avec un insecte incrusté assez étrange sur ces petits CD très chouettes à manipuler. Voilà, l'émission est quasi terminée. Je voulais vous signaler une petite autre batterie de concert à venir dans le bourg dans les jours prochains. Beaucoup d'activités concerts en ce moment, donc notamment en cette fin de semaine avec une soirée organisée par Musique Alambic, concert de Mason William, Funken et Ultra Souk le 9 mai prochain 2015. Donc Mason William, Funken et Ultra Souk pour 5 €. Je crois que c'est au bar de la Cité, si je ne m'abuse. C'est au Marquis de Sade. Voilà. Organisé par le Festival Musique Alambic. Également une soirée le 10 mai à ne pas manquer. Ce sera le retour du Singe Blanc avec une compagnie de death metal chilien et heavy crust de Rennes à 19h pétante ce dimanche 10 mai. Ce sera au Terminus, au 78 rue de Riaval, organisé par les gens de Tapette Fest. Également une soirée Cafioul. Ce sera le lendemain de celle de la Maison de la Grève, donc qui aura lieu le 13, et donc le 14, vous pourrez enchaîner avec une autre soirée-concert au Jardin Moderne à ne pas manquer, avec le retour de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp vendredi 14 mai. Donc ce sera le long week-end de l'Ascension pour 5 € à partir de 20h cette soirée au Jardin Moderne. Voilà, on va se quitter avec une pièce en vinyle d'une formation qu'on vous a proposée déjà dans la spéciale Italie notamment, qui répond au nom de Quadra Omega, l'album Il Serpente nel Cielo, deux longues pièces par ce combo assez énigmatique qui existe depuis quelques années, et c'est sorti sur l'excellent label italien Holidays Records, qui s'est notamment distingué par la publication de la musique du combo turc Construct. Voilà, cette émission est quasi terminée. Je vous rappelle que vous pourrez écouter l'ensemble de cette playlist sur le blog asile35.blogspot.fr ou à partir du mixcloud.com/redman. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine et beaucoup beaucoup de concerts, de très bons concerts à vous. À bientôt. Thank you. Thank you.